l'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours des trois dernières émissions, nous avons radiographié l'expérience de la socio-économie canadienne dans le dernier tiers du 19e siècle. C'est une période de mutation, une période de ralentissement dans l'économie atlantique pendant laquelle le Canada vit la troisième grande discontinuité dans son expérience socio-économique, son passage à l'ère industrielle. Mais après un quart de siècle de vie économique au ralenti, il y a renversement de la tendance. À partir du milieu des années 1890, l'économie canadienne entre dans une période de croissance rapide, une période de croissance économique extensive qu'on en est venu, en raccourci, à nommer le boom du blé. Aujourd'hui, dans la 17e émission de notre série, nous parlerons de cette période de développement économique du tournant du 20e siècle. Entre les 1890 et le début de la Première Guerre mondiale, l'économie mondiale s'anime. Le commerce mondial croît à un rythme de 3,7% l'an. C'est un accroissement de plus de 65% dans la vitesse de croisière de l'économie mondiale par rapport à ce qu'elle avait été dans les décennies 1870 à 90. Grâce aux découvertes d'or dans le Transvaal et à une amélioration des méthodes d'extraction du métal, la production d'or sera trois fois plus grande entre 1896 et 1914 que dans les 18 années antérieures à 1896. Le stock d'or mondial augmente de 50%. Dans une économie mondiale réglée par les jeux de l'étalon or, un monde où les réseaux financiers et bancaires essaiment, cette injection de métal va entraîner les prix à la hausse. Côté industrie, l'économie atlantique s'industrialise et s'urbanise à un rythme accéléré. C'est la révolution industrielle fondée sur le fer et le charbon qui s'accomplit. L'Atlantique est devenu un espace économique rétréci, à proportion que le coût du transport océanique diminue, et l'Ouest américain, qui avait été une source majeure de céréales pour l'Amérique urbaine mais aussi pour l'Europe, cet Ouest américain commence à s'essouffler. Les terres ont maintenant été occupées. On se tourne vers la frontière du Nord. Dans l'historiographie canadienne, c'est un chapitre qu'on a pris l'habitude d'intituler « Le boom du blé », parce que les historiens et économistes, dans la tradition de Harold Innis, ont mis l'accent sur le blé comme la grande force unificatrice qui donne son sens à la dynamique de la socio-économie canadienne au tournant du XXe siècle. En 1891, le Canada exporte à peu près 2 millions de boisseaux de blé. En 1901, c'est 10 millions. En 1911, ce sera 46 millions de boisseaux. En 1901, 10% des fermes canadiennes sont dans les prairies. En 1911, c'est 30%. La production annuelle de blé à la fin des années 1880 dans l'Ouest canadien se situait autour de 8 millions de boisseaux par année. En 1911, la production annuelle a été multipliée par 16. Elle est au-dessus des 130 millions de boisseaux. Cette production et cette exportation démultipliées créent des besoins d'entrepôts, de réseaux de transport démultipliés aussi. En 1901, il y a 4 000 milles de voies ferrées dans les prairies. En 1914, il y en aura près de 3 fois plus. En 1901, il n'y a pas un demi-million de population dans les prairies. En 1921, ils y seront 2 millions. C'est une liste de chiffres qui est essoufflante. Tout prend des allures de croissance exponentielle. Et on dira, on écrira, que le moteur de cette croissance économique canadienne, c'est l'Ouest canadien et son blé. Paul-André Linteau est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Il nous rappelle quels espoirs ce boom du blé dans les prairies vient réaliser et quels facteurs expliquent ce décollage économique. Le peuplement et le développement systématique de l'Ouest canadien devient maintenant une réalité. Pendant une trentaine d'années après la Confédération, les dirigeants politiques canadiens, les hommes d'affaires de Montréal avaient voulu faire de l'Ouest canadien un peu un moteur de croissance, comme ça avait été le cas aux États-Unis. On avait sous les yeux le modèle américain où l'expansion vers l'Ouest avait stimulé la croissance des grands centres industriels de l'Est. Et tout ça ne s'était pas réalisé aussi vite qu'on l'espérait. Et vers 1896, il se produit dans l'économie mondiale, il y a là un point tournant. Les échanges internationaux sont en forte croissance. Les économies dans la plupart des pays du monde entrent dans une faible hausse des prix à long terme. Les mouvements migratoires prennent une ampleur qui avait été inconnue jusque-là. Et les États-Unis ont à peu près achevé la conquête de leur espace intérieur et commencent même à regarder vers l'extérieur et vouloir se faire un empire colonial, avec en particulier la conquête des restes de l'Empire espagnol en 1898. Alors, il y a une certaine saturation aux États-Unis, les terres coûtent beaucoup plus cher parce que le territoire est occupé, et l'Ouest canadien devient, selon l'expression qu'on a employée souvent dans l'histoire canadienne, « the last best west », le dernier merveilleux territoire de l'Ouest, le dernier endroit en Amérique où il reste de grandes quantités de terres à bon marché, où le gouvernement fédéral donne des terres gratuitement et où les compagnies de chemin de fer et la compagnie de la baie du Thon, qui possèdent aussi d'immenses territoires dans l'Ouest, sont prêtes à les vendre relativement à bon marché parce que ça va générer pour eux une clientèle et des affaires pour les chemins de fer ou pour les commerces de la compagnie de la baie du Thon. De sorte que cet ensemble de facteurs va faire que maintenant ça décolle dans l'Ouest et qu'en l'espace d'une quinzaine d'années, des centaines de milliers d'immigrants, certains venant des États-Unis, d'autres de Grande-Bretagne, des îles britanniques en général, et aussi de plus en plus venant de l'Est de l'Europe, donc des centaines de milliers d'immigrants vont se diriger vers les plaines de l'Ouest, vont s'installer là en permanence et vont se concentrer essentiellement sur un produit, le blé. La culture du blé est secondairement dans les régions plus près des Rocheuses sur l'élevage. Donc, ces régions de l'Ouest canadien deviennent très rapidement très spécialisées, très dépendantes envers un seul produit. C'est dire que pour tous les autres besoins, entre autres pour des biens manufacturés, pour des vêtements, pour de la machinerie, ces régions agricoles vont être dépendantes des régions industrielles de l'Est canadien. Le financement de tout ce développement, le contrôle des compagnies de chemin de fer, tout ça va être entre les mains des grandes entreprises de l'Est, c'est-à-dire de l'Ontario et du Québec, et Montréal est le grand centre de cette expansion vers l'Ouest à ce moment-là, puisque le siège des grandes compagnies de chemin de fer canadiennes est situé à Montréal. La puissante Banque de Montréal, qui était la plus importante du pays, a son siège à Montréal et est très impliquée dans le développement de l'Ouest. Alors, tout ça donne à Montréal une place tout à fait particulière dans la direction de la croissance économique de l'Ouest canadien, dans la direction des échanges qui vont s'établir avec l'Est. Le Canada central va sentir les effets d'écho de l'expansion économique des prairies. Et Montréal va orchestrer ses nouvelles relations économiques avec l'Ouest, un peu comme elle avait commencé de le faire du côté des maritimes. Mais pour bien comprendre l'économie du blé dans les prairies, il faut se rendre compte qu'il s'agit d'une agriculture fort différente de celle qu'on a vue dans l'Est du pays. Pas question ici d'une agriculture de subsistance. Les terres offertes gratuitement par le gouvernement ont une superficie qui détonne par rapport aux petits lopins de terre dans l'Est. Cette grandeur même des terres va représenter un défi important dans un écoumène qui, sans être hostile, ne semble pas particulièrement propice au départ à l'agriculture. Les saisons sont courtes dans les prairies et l'humidité y est un bien rare. En fait, si l'économie du blé va créer une demande accrue pour les biens manufacturés dans le Canada central, on se rend bien vite compte que ces biens manufacturés de l'ère industrielle sont une sorte de sine qua non pour le développement de l'Ouest, une sorte d'antécédent nécessaire. Le boom du blé, c'est une expérience d'agriculture commerciale rendue possible par les réussites de l'industrialisation. John Thompson est un historien spécialisé dans l'histoire de l'Ouest. Il enseigne à l'Université McGill. L'agriculture des prairies, c'était toujours, au commencement presque au début, c'était toujours une agriculture commerciale orientée pour l'exportation du blé vers l'Europe, la Grande-Bretagne. C'était jamais une agriculture autosuffisante ou subsistante. C'était toujours le caractère commercial. Pouvez-vous nous expliquer un peu les forces qui ont amené cette explosion de l'agriculture commerciale? Une des grandes forces mondiales, comme l'augmentation du prix du blé pendant les années 80, mais aussi les changements techniques dans l'agriculture. En un sens, ça s'appelle dry farming. Il y avait le secteur de la cimetière, ou presque la moitié d'une ferme en jachère pour conserver l'humidité. Il y avait aussi le processus hongroise, une méthode pour nourrir le grain dur. Le fait qui est arrivé dans le climat sain. Il y avait aussi une sorte de révolution mécanique pendant la dernière moitié du 19e siècle, la moissonneuse mécanique qui a fait possible la récolte très rapide dans les conditions de l'Ouest. Il y avait la chaleur en acier pour briser le sol et la battue de vapeur qui fait possible la récolte aussi rapide. C'était une révolution agriculturelle. Il semble que mécanisation et industrialisation sont allés la main dans la main avec la colonisation de l'Ouest. Bien sûr, c'est ça. La mécanisation était une précondition de l'agriculture sur les prairies. Parce que ce n'était pas possible avec la technique d'arrivée du 18e siècle de récolter 160 acres du blé avant que les jeunes d'Opin. Il faut se rappeler qu'en Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta, la saison pour blé, c'est 90 jours, disons 3 mois. Et c'est nécessaire d'avoir une mécanisation pour faire possible la récolte. Est-ce que tout l'Ouest va être envahi autour de 1900 aussi rapidement ou si on va avoir différentes régions de l'Ouest qui vont être envahies d'abord? Il est quand même suivi la chaîne de fer. Parce que c'est que les conditions spécifiques qui arrivent les terres à vendre, et parce que la transportation de l'agriculture commerciale est toujours un besoin. Mais quand on choisit les terres sur les lignes des conditions spécifiques, et après ça, sur les lignes vers le nord, comme l'année entre Calgary et Edmonton, en Alberta, ou de Saskatoon et Prince Albert, en Saskatchewan. Et le réseau d'agriculture a économisé graduellement entre 1890 et la Grande Guerre. Parce qu'après la guerre, les limites sont presque touchées. C'était très difficile pendant les années 20, disons, pour un colon de s'établir, sauf dans des régions très, très marginales. Cette première décennie qui voit arriver beaucoup de colons, on l'a défini dans la littérature conventionnelle comme la période du boom, la période du boom du blé. Parce que, disait-on, l'exportation du blé vers le reste du monde était le moteur de l'économie canadienne. Et c'était le commencement de l'installation des colons qui a stimulé l'économie, pas seulement la production du blé. Il y a des tendances avant la guerre d'une sorte de diversification de l'agriculture des prairies. L'addition des animaux, pas la disparition, bien sûr, du blé, mais moins de concentration sur le blé. Mais la guerre a créé une demande très très vaste pour le blé et a augmenté le pourcentage du terrain dans l'Ouest dévoté au blé et a recréé un deuxième boom en 1916, 1917, 1918. L'impact de ce deuxième boom du blé qui va reconcentrer un tout petit peu l'activité économique sur un simple produit qui est le blé, est-ce que, à court terme, cela va créer une croissance plus grande dans l'Ouest? Ça crée une croissance de l'agriculture dans l'Ouest, mais c'est une croissance qui a pris place dans une période d'inflation de coûts très élevés. Et ça causait une autre charge de dettes. Les dettes de Ganga ont resté jusqu'aux années 30. Les gouvernements provinciaux n'ont pas voulu la concentration sur le blé. Et les gouvernements provinciaux ont toujours tenté de changer la direction de l'agriculture des prairies en direction des métairies, des vaches et des poulets. Mais la cultivation de blé, c'est un peu plus facile que les autres formes de l'agriculture. Et c'est pas facile de blâmer les gouvernements et les forces internationales. C'est aussi les cultivateurs eux-mêmes qui ont voulu, en anglais, on dit « make hay when the sun shines » pour ramasser les fortunes. Tirer profit de tout ce qui passe. Oui, c'est ça. Cet opportunisme qui a fait que l'Ouest canadien s'est concentré tellement sur la culture du blé, l'Ouest va devoir le payer cher quand l'économie du blé va s'effondrer plus tard au 20e siècle. Mais l'Ouest va en tirer une croissance extraordinaire dans les deux premières décennies du siècle. Cependant, il faut bien se rendre compte que si le blé est la denrée au centre de toute cette expansion, cela ne veut pas dire que cette source de la croissance économique est la seule cause de la croissance économique. Certains efforts pour examiner à la loupe l'expérience économique canadienne entre 1896 et 1914 ont révélé que l'on peut départager cette période en trois sous-périodes. D'abord, la première période, le premier boom du blé, le boom des exportations de la fin des années 1890. Ensuite, la période du cycle d'investissement qui va voir, entre 1900 et 1910, l'investissement brut aller au-delà des 25% du produit national brut. Investissements qui, après 1907 surtout, vont être financés largement par l'Angleterre et les États-Unis, l'influx de capital étant attiré par les perspectives de profits plus élevés au Canada. Et enfin, troisième segment, la période entre 1910 et le début de la guerre, période où les terres gratuites se font rares, où le prix des terres augmente et où le marché mondial du blé paraît approcher de la saturation. Le prix du blé commence à tomber. En 1913, le marché s'effondre complètement. Le rythme des investissements domestiques, qui avait atteint son sommet en 1911-1912, chute de presque 40% en 1913. Cet examen des composantes du boom du blé de ces différents moments montre le caractère central de l'investissement dans cette croissance économique du début du 20e siècle au Canada. Entre 1907 et 1914, c'est pas moins de 240 millions de livres sterling que le Canada va emprunter du Royaume-Uni. Et une portion importante de ce capital britannique va être utilisée pour construire un second et un troisième chemin de fer à travers le continent, le Transcontinental National et le Canadian Northern. Richard Clippingdale est professeur au département d'histoire à l'Université Carleton et un spécialiste de l'époque de Wilfrid Laurier. Cette boom dans l'Ouest, ses investissements, ses problèmes avec les lignes d'échange, et l'augmentation de la population canadienne, le développement des autres provinces dans l'Ouest, la ligne transcontinentale du Canadien-Pacifique, n'est pas suffisant pour ça. Et la pression politique des divers intérêts, des régions comme le nord du Québec, le nord de l'Ontario, le Manitoba, le nord de Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, plus ces pressions par les gouvernements, par les intérêts, par les fermiers, pour avoir des nouvelles lignes de transport, sont très très difficiles à éviter pour un politicien comme Dorsier, et il a décidé d'avoir un second chemin de fer transcontinental. Pas de Canadien Pacifique, c'est un chemin de fer touring, il désire son propre chemin de fer, le National Transcontinental, Transcontinental National, plus particulièrement dans le nord de l'Ontario et dans le nord du Québec, avec les applaudissements des gouvernements de ces provinces libérales, et aussi le Grand Trans-Pacifique construit dans la ligne de l'Ouest. Cette politique du chemin de fer de Laurier est un désastre, le résultat de l'optimisme excessif du gouvernement et de Laurier lui-même. Il a pensé que le boom serait permanent. Est-ce qu'on peut dire, M. Klebendel, que cette politique de chemin de fer a malgré tout dynamiser la croissance de l'Ouest, puisque les chemins de fer, c'est non seulement un réseau de transport, c'est aussi un chantier de construction, c'est aussi une idée qui lance des investissements. Est-ce que les chemins de fer dans l'Ouest ont été un peu des pauses de croissance? Oui, je pense, oui, c'est pas un désastre qualifié. Et l'agrandissement de l'Ouest, la vitesse de cet agrandissement, c'est un résultat de cette période de développement des chemins de fer, des investissements britanniques et américains, et de l'immigration massive de l'Europe, des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Et cette immigration n'est pas simplement une question des fermiers, c'est aussi une question des ouvriers pour les chemins de fer. Le désastre des chemins de fer n'est pas peut-être nécessaire. La Première Guerre mondiale est très importante dans cette situation, et ce n'est pas la faute de M. Laurier. On peut dire donc, M. Klebendel, que l'optimisme excessif de Laurier a été frustré tout autant par le fait que le Canada n'était peut-être pas l'Eldorado qu'il croyait, mais aussi parce que la guerre mondiale a bloqué tout d'un coup le développement, l'immigration. Absolument. Et aussi, on a bloqué les investissements nécessaires pour aller dans l'avenir avec ces chemins de fer et les autres développements. Optimisme excessif, impatience des définisseurs de situation, croissance forcée, diront certains. L'Ouest, qui avait peut-être besoin d'un second chemin de fer transcontinental, va en avoir trois. Le transcontinental national sera terminé en 1912. Il relie Moncton à Prince Rupert dans le nord de la Colombie-Britannique, en passant par le nord du Québec et de l'Ontario, et Winnipeg et Edmonton. Le Canadian Northern, le Canadien Nord, est terminé en 1915 et relie Québec à Vancouver. L'espace économique de l'Ouest canadien est maintenant dessiné, et les chemins de fer ne vont pas seulement intégrer l'espace géographique, ils vont reconstruire les économies des prairies. Winnipeg devient le centre névralgique, la porte de l'Ouest. Les trois chemins de fer y passent. En 1912, on y trouve le bureau-chef de deux banques, plus de 1000 institutions financières, courtiers et agents. Près de 60% de tout l'emploi manufacturier des prairies est à Winnipeg en 1910. Calgary et Edmonton suivent avec 10 et 7% respectivement. Mais cet espace économique des prairies a aussi des effets de retombée sur l'extrême ouest. Entre 1890 et 1910, le boom du blé et le développement des prairies vont transformer la Colombie-Britannique. D'une économie maritime axée sur Victoria et exportant surtout du saumon en boîte et du charbon vers l'Angleterre et la Californie respectivement, la Colombie-Britannique voit son centre de gravité se déplacer vers l'intérieur, vers Vancouver, cette création du Canadien Pacifique, et elle voit son économie se redéployer vers le secteur du bois et des produits du bois, des produits que la Colombie-Britannique va exporter vers les prairies. Les deux secteurs traditionnels ne disparaissent pas, mais ils croissent moins vite. Et le lien continental fait que la Colombie-Britannique se canadianise. Les milieux d'affaires du Canada central et son capital sont désormais présents et importants sur la côte du Pacifique. Si transformation il y a, cela ne veut pas dire que la politique ferroviaire de Laurier voulait la fonder. Quels qu'aient pu être les effets de la politique ferroviaire de Laurier, et même si indirectement transformer l'Ouest et même les autres politiques du gouvernement canadien, selon John Thompson, on ne peut pas dire que c'était là le dessein de Laurier. La politique ferroviaire de Laurier, c'était une grande sorte de barbecue pour les capitalistes et pour les compagnies de construction. Je ne veux pas dire que les autres chemins de fer n'étaient pas populaires parmi les cultivateurs du nord des prairies, mais c'était pas pour eux qu'on a commencé les chemins de fer. Laurier a pensé si le Canadien Pacific était bon pour les conservateurs, pourquoi pas deux autres chemins de fer libéraux pour ces troupes. C'est une question de patronage. Est-ce qu'on peut voir dans l'Ouest canadien des moments où l'immigration va changer, où on va voir se transformer la nature des immigrants arrivant depuis l'Europe, depuis les États-Unis, vers l'Ouest? Oui, je pense que c'est un historien, Dan Avery, de Western Ontario. Après 1907, les politiques d'immigration du Canada ont changé entre une politique destinée à attirer les cultivateurs des États, de l'Europe un peu, mais des États et de la Grande-Bretagne, pour une politique qui est destinée pour attirer les travailleurs sans qualification pour bâtir les chemins de fer, pour travailler dans les bois, dans les mines de charbon. Avant 1907, peut-être on peut dire, comme l'historien Harold Troper, que seulement les cultivateurs sont bienvenus, mais après ça, c'était les travailleurs. Il reste que pendant un bon moment, c'est le blé qui va être un peu le cœur de l'économie de l'Ouest, et que ce transport du blé depuis l'Ouest vers l'Est, et aussi vers le Pacifique, va dépendre grandement de certaines règles du jeu dans le monde des transports. On a l'impression que les coûts réels de transport dans l'Ouest sont devenus inimportants, qu'on a créé de toutes pièces des coûts de transport fictifs pour faciliter le mouvement des marchandises. Et vous parlez de crow rate. Évidemment, oui. En 1999, le gouvernement fédéral a subventionné le Canadian Pacific pour bâtir le même à travers le Crow's Nest Pass dans les montagnes Kootenay, en Colombie-Britannique. Et en retour pour ces subventions, le Canadian Pacific a promis de transporter le blé et les autres grains de l'Est et l'Ouest au tarif qui applique à ce moment. Et bien sûr, avec l'inflation et les changements, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus cher à transporter le grain. Mais effectivement, on reste avec les tarifs du commencement du siècle. Il ne faut pas penser que l'existence de quelque chose comme les crow rates, que ça favorise l'économie western. Et il ne faut pas penser que ça change grandement le fait que les tarifs ferroviaires, surtout les autres enquêtes, ne sont pas du tout subventionnés et que le chemin de fer canadien Pacifique et les autres en collusion ont chargé tout ce que le trafic va supporter, la circulation va supporter. Et donc, on aurait tort de vouloir voir dans ces crow rates une faveur pour le développement de l'Ouest. Pourtant, les gens de l'Ouest ont semblé tenir à ces traitement de faveur. C'est pas tous les gens de l'Ouest qui veulent obtenir les crow rates. Évidemment, il y a les cultivateurs de blé qui sont défavorisés. Et les autres, par exemple, dans l'Ouest, les cultivateurs qui enlèvent les animaux, voudraient que sans les crow rates, ça sera plus rentable à enlever les animaux dans l'Ouest et pas dans le Québec et dans l'Ontario. Et c'est un greffe des gens de l'Alberta que les crow rates subventionnent le transport des grains de l'Ouest, l'avoine et les autres vers l'Ontario et le Québec pour enlever le porc et les bêtes ici au Québec et en Ontario. Et aussi, ça rend difficile le développement des industries secondaires pour la transformation des produits naturels de l'Ouest dans l'Ouest. Si la tarification particulière utilisée dans l'Ouest a pu avoir des effets positifs, réduire la distance économique entre les prairies et les marchés d'outre-mer pour son blé, il est certain que ces céréales, rendues moins chères ailleurs, ont fait en sorte que la transformation de ces produits naturels, en viande par exemple, s'est fait souvent aussi ailleurs. On débat encore les avantages et les... ont fait en sorte que la transformation de ces produits naturels, en viande par exemple, s'est fait souvent aussi ailleurs. On débat encore les avantages et les coûts des corrates. Mais cette expérience des corrates n'est que l'une des expériences de tarification destinées à abolir l'espace banal, l'espace géographique, à rendre économiquement possible ce qui pouvait paraître de prime abord physiquement, géographiquement prohibé. C'est ainsi que tout l'effort pour attirer les immigrants d'Europe allait donner lieu à des expériences de tarification réduite. L'objectif pour les compagnies de chemin de fer, c'était de voir s'accroître la population canadienne, et en particulier les populations le long de leur ligne. En ce sens, l'usage de telles tarifications, selon Paul-André Linteau, pourrait fort bien expliquer pourquoi les Québécois ne sont pas allés en masse vers l'Ouest, pourquoi ils n'ont pas été attirés par les promesses de ce Last Best West. Une des raisons qu'on donnait souvent à l'époque et que Henri Bourassa et les nationalistes dénonçaient, c'est que ça coûtait moins cher de partir de Hambourg pour s'en aller en Saskatchewan que de partir de Montréal. C'est-à-dire que dans sa volonté de recruter des immigrants, le gouvernement canadien donnait des primes aux compagnies de transport et les compagnies de transport vendaient des billets à tarifs réduits permettant de transporter les immigrants à bon compte. Parce que pour les compagnies de transport, c'est à long terme un investissement. Un agriculteur installé dans l'Ouest va expédier son blé par le chemin de fer, va faire venir par le chemin de fer ses produits manufacturés. Alors, on est prêt à lui accorder de généreuses facilités de paiement, de départ, de lui vendre un billet de transport à bon compte, parce que c'est un investissement à long terme. Tandis que le déplacement des Canadiens français vers l'Ouest apparaît moins intéressant dans ce sens-là, n'augmente pas la population. Il y a sans doute aussi des raisons qui tiennent aux Canadiens français eux-mêmes. Ce qui se produit au Québec, c'est un mouvement d'exode rural vers la ville. Il y a une tradition depuis 1860-1870 qui est très nette, qui a amené plusieurs centaines de milliers de Québécois, de ruraux Québécois, à s'en aller vers les villes, soit vers les villes du Québec, en particulier Montréal, mais comme ça n'était pas suffisant, l'industrie à Montréal ne réussissait pas à absorber toute la main-d'œuvre disponible, c'est surtout vers les villes de la Nouvelle-Angleterre qu'on est allé pendant des décennies et des décennies. Et il faut bien se rendre compte que pour un Québécois qui habite la plaine de Montréal, la Nouvelle-Angleterre, c'est à côté. Il y a plein de lignes de chemin de fer qui se rendent là, alors que l'Ouest canadien, c'est au bout du monde. Alors, quand on a le choix entre les deux, je pense que très spontanément, les Québécois ont choisi cette voie de la Nouvelle-Angleterre qui leur était déjà familière. Il n'y avait à peu près pas de famille rurale, je pense au Québec, il n'y avait pas au moins un parent lointain aux États-Unis, aux États, comme on disait à l'époque. Parents qui revenaient régulièrement chaque année au Québec faire son petit voyage pour rencontrer la parenté. Alors, un circuit d'information qui facilite considérablement les choses, alors que l'Ouest canadien, c'est un univers étranger. Avec la montée de l'économie du blé, M. Linteau, et les demandes de biens manufacturés en provenance du Québec et de l'Ontario, du Canada central, cette population rurale qui cherche à émigrer vers la ville va maintenant trouver au Canada central davantage à se placer, à utiliser sa force de travail. Beaucoup plus, principalement à Montréal. Alors Montréal, à ce moment-là, va être une très grande ville d'accueil, avec parfois l'allure d'une gare de triage, tellement il entre de monde de Montréal. Beaucoup de Canadiens français des campagnes vont s'en aller vers Montréal, et aussi vers les nouvelles villes qui poussent dans les régions de colonisation, Shawinigan, Grand-Mère, Matuk, Kenogami, Jonquière, un peu partout, dans les régions qui jusque-là étaient essentiellement des régions de colonisation, et maintenant des villes qui poussent autour des usines hydroélectriques, des usines de pâte et papier ou d'aluminium, et qui attirent aussi une partie de la main-d'œuvre rurale. Thank you. Monsieur Linteau nous rappelait que le blé n'a pas été la seule activité économique motrice dans la première décennie du XXe siècle au Canada. Dans le Canada central, ainsi que nous le verrons la prochaine fois, la première décennie, c'est l'ère de l'hydroélectricité, l'ère d'une industrialisation nouvelle, différente de celle que nous avons suivie à la trace dans les villes du Québec et de l'Ontario, une industrialisation dans les régions excentriques, à la périphérie. Cet autre foyer d'activité économique suffit amplement à expliquer pourquoi il s'est élevé un débat sur la contribution du boom du blé à l'explication du régime de croissance économique du Canada dans son entier, entre 1896 et 1911, ou 13, ou 21. Le débat fait encore rage, et les cliomètres, ces historiens disciples de Clio, mais armés d'abac, ont essayé de calibrer la contribution du boom du blé dans l'explication du taux de croissance du produit national brut canadien, ou dans l'explication du taux de croissance du PNB per capita. Les simulacres de l'économie canadienne utilisés pour étudier ces questions et les données disponibles pour étayer ces raisonnements laissent beaucoup à désirer. C'est d'ailleurs pourquoi le débat reste ouvert. Certains insistent pour mesurer tout l'impact du boom du blé avant 1911, d'autres suggèrent que les effets de retombée se sont fait sentir jusque dans les années 1920. Certains insistent pour mesurer l'impact du blé strictement en termes de croissance intensive, par sa contribution à l'augmentation de productivité, d'autres insistent que tout l'impact est en croissance extensive par l'ajout de capital et de main-d'œuvre additionnelle que le boom du blé a attiré au Canada. Ce n'est pas le lieu pour arbitrer ces débats de cliomètres, mais François Bayancourt du département de sciences économiques à l'Université de Montréal s'est intéressé récemment au débat et il nous donne ses réactions à la question « Est-ce que le boom du blé explique la croissance économique canadienne au tournant du siècle. » Pour répondre à la question, il faut d'abord s'attendre sur un certain nombre de faits. Dans quel état aurait été l'économie canadienne s'il n'y avait pas eu le boom du blé? Parce que si on veut mesurer la contribution du boom du blé à la croissance de l'économie canadienne, il faut d'abord dire que l'économie canadienne aurait cru de tant de pourcentage durant la période qu'on retient. Sans boom du blé, elle croît en pratique de tant de pourcentage. J'attribue la différence au boom du blé. On peut essayer de faire des calculs. Des économistes en ont fait, Chambers and Gordon et Bertrand. Les deux ont fait des études et ils ne s'entendent pas. Chambers and Gordon arrive à un estimé de la contribution du boom du blé à la croissance d'activité économique qui est plus petit que celui de Bertrand. Il semblerait que le boom du blé commence vraiment en 1896 et se fait surtout sentir durant les cinq premières années, 1896-1901. Qu'après coup, ben, on continue à exporter du blé, les prairies sont encore là quand même, les chemins de fer également, mais que ce qui serait produit pour maintenir l'activité économique au Canada au niveau élevé qu'on observe durant cette période-là, ce serait un effet du boom du blé sur les investissements. Bon, pourquoi cet effet? Bon, simplement, c'est que des exportateurs se rendent compte qu'ils ont un marché qu'ils n'avaient pas auparavant et se disent, pour pouvoir atteindre mon marché, je dois faire des investissements. Le plus évident, probablement, c'est dans les chemins de fer. Ou si on veut que le blé canadien se rende au Thunder Bay, où il soit exporté en Europe ou ailleurs, on doit avoir des chemins de fer, on doit aussi avoir des investissements agricoles. Et ces investissements dans le centre du Canada vont, à leur tour, entraîner une demande pour des biens manufacturiers de l'Est du Canada, de l'Ontario et le Québec. Est-ce que, M. Bayancourt, tous ces investissements, il fallait les faire? Est-ce qu'on ne peut pas dire que dans le cas du développement des prairies, comme dans le cas des canaux et des chemins de fer auparavant, il n'y a pas eu aventure un peu prématurée? Certains économistes au Canada ont en effet suggéré qu'il y a eu aventure prématurée. Maintenant, on se demande, est-ce que le boom du blé n'a pas été un peu forcé par les politiques du gouvernement canadien? Ce qu'on appelle le Dominion Lands Act, une loi du gouvernement canadien, donnait aux gens la propriété d'une section de terre s'ils résidaient sur cette section sur une année, trois, si je me souviens bien, et s'ils y faisaient l'agriculture, en défrichaient une partie, et ainsi de suite. Donc, il y avait incitation pour des gens, disons, de l'Est du Canada ou d'ailleurs, de venir s'établir dans l'Ouest du Canada, non seulement à cause des revenus de la vente du blé, ce qui serait la question, justement, d'exportation entraînerait l'activité économique, mais également à cause des gains capitaux qu'ils pouvaient espérer réaliser en prenant une section de terre qui lui est donnée essentiellement gratuitement par le gouvernement canadien, et en la développant pendant 3 ans, et en tenant ensuite un gain de capital, en la revendant possiblement aux 4-5 ans plus tard. Et de ce point de vue-là, il est possible qu'il y ait eu un développement prématuré des prairies. Il est évident qu'il est possible, selon les postulats que l'on fait, de trouver que le boom du blé a eu un impact fondamental, important ou négligeable sur l'économie canadienne. L'idée même que ce développement ait pu avoir un impact négatif, si développement prématuré il y a eu, n'est pas exclu. Plus intéressant cependant que ces calculs un peu fumeux est le fait que le boom du blé, de par l'importance de cette denrée dans le produit domestique des prairies, a dramatisé la dépendance des hommes par rapport au prix du marché, au mécanisme du marché en économie capitaliste. Le revenu du fermier dépend de la quantité de blé qu'il produit, mais aussi du prix qu'on lui en donne. Le prix fluctuant sur les marchés libres, c'est aussi le revenu fluctuant pour le fermier. En fait, l'une des constantes dans le discours du fermier des prairies canadiennes, un discours que l'on a entendu à chaque fois qu'une autre commission d'enquête a examiné le marché des céréales au Canada, depuis les deux premières en 1899 et 1906, jusqu'aux autres plus élaborées de l'entre-deux-guerres, eh bien, c'est le rejet du système de marché libre comme mécanisme d'organisation économique. De même que les travailleurs vont chercher à se soustraire à la discipline sévère du marché libre en se syndiquant, et que leurs patrons vont vouloir se soustraire aux mêmes duretés du marché concurrentiel par des ententes et des collusions, les fermiers voudront se soustraire aux aléas du marché libre ou manipulés par des formes d'organisation économique différentes du marché. Abraham Rothstein, un économiste historien au département of Political Economy à l'Université de Toronto, est un disciple de Karl Polanyi, un économiste anthropologue pour qui le marché libre n'est qu'une des méthodes d'organisation économique et pas nécessairement la plus efficace ou la plus humaine. Le problème à l'ouest du Canada, c'était toujours de quelle forme institutionnelle est-ce qu'on va organiser l'économie de blé. Et vous savez que nous avons commencé en 1904 avec la création de Winnipeg Grain Exchange, ça veut dire un marché des prix fluctuants pour le blé, et c'était l'institution le plus important dans l'économie de blé. Mais comme Polanyi a prédit, ça causait beaucoup de tensions et de disruptions sociales, car les fermiers à l'ouest acceptaient toujours avec grande difficulté ces fluctuations, et surtout ils voyaient beaucoup de spéculation sur cette Winnipeg Grain Exchange. Et ils s'organisaient, comme Polanyi a prédit, d'un contre-mouvement, leur coopératif, rappelons en anglais les pools. C'était une forme de stabiliser, de contrôler ces fluctuations aveugles, ces fluctuations incertaines qui avaient tant d'influence dans leur vie économique. Alors, on commençait de créer une deuxième économie selon les façons institutionnelles, et il y avait une concurrence entre le Winnipeg Grain Exchange et ce réseau de coopératives, de pools, etc. Mais ils ont eu beaucoup de succès, et ce que les fermiers demandaient toujours du gouvernement, c'était de stabiliser d'une façon ou d'autre les prix de blé. C'est une longue histoire, comment nous sommes arrivés enfin à le Canadian Wheat Board. Mais enfin, ce que les fermiers ont voulu et ce qu'ils veulent jusqu'au présent, c'est d'abolir ce système de prix fluctuant. Ils sont très heureux avec le Canadian Wheat Board, la commission de blé, qui stabilise le prix, qui est le seul vendeur de blé au Canada. C'est une illustration que le marché et les réseaux de marché ne sont pas la seule façon d'organiser l'économie. Nous n'avons pas compris, comme les commissions royales ont toujours dit, le Winnipeg Grain Exchange est un système parfait. Il ne voit jamais aucune raison plaintes des fermiers. Mais les fermiers, enfin, s'ils n'ont pas une articulation très théorique ou très bonne, ont toujours l'idée qu'ils préfèrent un autre mode d'organiser l'économie. Et je reviens toujours à ce concept de Polanyi, de commerce administratif. Ça veut dire sur les prix qui sont fixés par le gouvernement, ça varie aussi avec le marché mondial, mais il y a une forme d'insulation des fluctuations mondiales à l'économie canadienne. Les efforts des fermiers de l'Ouest pour mettre au point des institutions coopératives auront des parallèles dans l'Est. Tous les groupes sociaux veulent se donner des institutions qui les protègent de la discipline implacable du marché libre. Ces efforts aboutissent à la création de l'Office du blé, le Wheat Board, dans les années 1930. Mais comme on le verra, il y aura toute une vague de ces institutions remparts, institutions économiques hors marché, qui vont pousser dans les années 30 et après la Seconde Guerre mondiale. Les entreprises vont aussi systématiquement chercher à réduire l'incertitude et la discipline du marché concurrentiel. À la fin du 19e siècle et début 20e siècle, on a beaucoup recours à la collusion et aux ententes sur les prix. Mais quand ces techniques ne réussissent pas, les entreprises cherchent à se donner accès à cette réduction d'incertitude par des fusions d'entreprises, par la recherche du monopole. La vague de fusion au tournant du siècle va non seulement changer les structures organisationnelles, mais aussi tout le paysage socio-économique canadien. Paul-André Linteau. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, on était dans une période qu'on qualifie habituellement de capitalisme de concurrence. C'est certainement à ce moment-là que le système capitaliste ressemble le plus à ce qu'il est en théorie, c'est-à-dire dans chaque secteur, de nombreuses entreprises qui sont en concurrence les unes avec les autres et qui, à cause de cette concurrence, doivent vendre au prix le plus bas possible. À ce moment-là, les entreprises ne sont pas trop grosses en termes, disons, d'équipement, d'installation. Et une très grosse entreprise, dans les années 1880, a 500 employés. On voit rarement des entreprises de 4 000, 5 000 ou 10 000 employés comme on en verra au 20e siècle. Alors, dans ce contexte-là, ça devient relativement facile pour un nouvel entrepreneur d'entrer en affaires. Il n'a pas à investir des millions de dollars dans la machinerie, dans plusieurs secteurs. Et l'exemple le plus connu dans le cas des Canadiens français, c'est celui de la chaussure. Il lui suffit d'investir dans une bâtisse, de louer la machinerie et il peut commencer à fabriquer des chaussures. Donc, dans cette phase où c'est le capitalisme de concurrence là, qui est la caractéristique principale, et dans une période où le marché intérieur québécois et canadien est en expansion, il y a beaucoup de nouveaux entrepreneurs. On assiste à la montée de nouvelles bourgeoisies ou, en tout cas, de nouveaux éléments dans la bourgeoisie. Et à travers ça, un bon nombre d'entrepreneurs canadiens-français qui montent, qui réussissent à se tailler une place, non pas au niveau supérieur, on ne trouve pas de Canadiens français à la Banque de Montréal, au Canadien Pacifique, dans ces très grandes institutions qui contrôlent ultimement l'économie canadienne. Au niveau de la haute bourgeoisie, on ne trouve à peu près pas de Canadiens français, mais à un niveau intermédiaire, au niveau de l'entrepreneur, disons, à portée régionale, de l'entreprise moyenne, là, on voit monter une classe d'hommes d'affaires canadiens-français. Début 20e siècle, se produit un changement majeur. On passe, et très rapidement, à une autre phase de l'histoire du capitalisme, qui est la fin de la concentration des entreprises. Cette phase-là s'est réalisée plutôt au 19e siècle, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Dans les années 1890, aux États-Unis, on est préoccupé de ça et on passe les premières lois antitrust pour s'opposer à la concentration trop forte des entreprises. Mais au Canada, le mouvement commence réellement au début du 20e siècle. Il y a évidemment eu dans le secteur des textiles au Québec la première concentration en 1892, mais c'était un peu les préalables. Et on peut dire que dans un premier temps, pour éviter la concurrence, les entrepreneurs ont cherché à s'entendre entre eux, à faire des cartels de prix. Mais il se trouve toujours quelqu'un pour briser l'entente, pour essayer de profiter d'une possibilité de contrat avantageux pour vendre moins cher. De sorte que la solution pour les grands entrepreneurs qui veulent maintenir des profits élevés et maintenir des prix élevés, c'est la concentration. Ce mouvement-là commence donc au début du 20e siècle et il est, si on veut, catalysé par l'apparition ou le développement d'un nouveau type d'homme d'affaires ou d'un nouveau groupe au sein de la bourgeoisie d'affaires, le groupe des courtiers et des financiers. Louis-Joseph Forgette, par exemple, qui est un des seuls Canadiens français à être important dans ce milieu-là, ou Max Aitken, qui va en quelques années faire une fortune colossale à Montréal en réalisant des fusions d'entreprises et qui ensuite va s'en aller poursuivre sa carrière en Grande-Bretagne où il va devenir Lord Beaverbrook et devenir le magnat de la presse britannique. Alors, il y a quelques grands financiers comme ça qui, à Montréal, sont à l'affût des possibilités de concentration et qui vont jouer un rôle important dans ces concentrations. Alors, par exemple, dans les services publics, on assiste à des fusions d'entreprises. À Montréal, on fusionne toutes les entreprises de gaz et d'électricité dans la Montreal Light and Power, qui est dominée par Robert Holt, qui va aussi être le président de la Banque Royale, qui est un des grands financiers montréalais de l'époque. Louis-Joseph Forgette lui-même est responsable de la fusion des compagnies de transport urbain à Montréal. Il y a aussi des fusions plus considérables que ça, comme celle de 1905 qui aboutit à la création de la Dominion Textile, qui regroupe quatre très grosses entreprises de filature de coton du Québec dans une énorme entreprise qui devient cette Dominion Textile. Il y a le Trust du ciment qui est réalisé à cette époque-là vers 1909, où on regroupe toutes les cimenteries canadiennes dans une puissante entreprise. Dans le secteur de l'acier, il y a aussi de nombreux regroupements d'entreprises. La Stelco, par exemple, est créée en 1910 et va regrouper des usines de Hamilton et la principale usine de Montréal, celle de la Montreal Rolling Mills. Et dans de nombreux autres secteurs comme ça, on passe à la concentration des entreprises, de sorte qu'au bout de la ligne, il y a un petit nombre de grands entrepreneurs, de grands capitalistes qui contrôlent maintenant de très grosses entreprises. Les petites sociétés qui ont été absorbées dans ces fusions-là, leurs propriétaires ont été payés pour l'achat des entreprises et deviennent un peu marginalisées. Et ce qui se produit dans ce processus-là, c'est que la grande bourgeoisie gagne en pouvoir et en importance tout en ayant des effectifs très restreints, alors que cette moyenne bourgeoisie, au niveau intermédiaire, qui avait eu des possibilités de développement au 19e siècle, est beaucoup plus limitée maintenant et beaucoup plus marginalisée dans le contrôle de l'économie. Elle ne disparaît pas, il y a encore de la place pour de la petite et moyenne entreprise dans l'économie, mais il y en a moins de place pour elle et elle devient beaucoup moins importante. Dans ce contexte-là, toute cette classe d'entrepreneurs canadiens-français qui était montée dans la deuxième moitié du 19e siècle, ils sont un peu emportés dans ce vent de la monopolisation et se retrouvent en quelque sorte marginalisés. Et l'entreprise canadienne-française est bien secondaire par rapport à ce moment-là à la grande entreprise dominée par la bourgeoisie anglophone. Ces transformations sociales et institutionnelles qu'on note au tournant du 20e siècle nous suggèrent qu'on ne saurait sérieusement réduire l'expérience de la socio-économie canadienne à un seul pôle de croissance, aussi important est-il pu être pour une région comme l'Ouest canadien. Il est sûr que le boom du blé a eu des effets importants sur la structuration de l'économie canadienne. Mais pendant qu'on célébrait cette grande fête économique dans l'Ouest canadien, insensiblement, les rapports de dépendance nouveaux commençaient de se créer, qu'on sentait sur la côte du Pacifique, mais qui étaient vécus plus intensément dans le Canada central. Tranquillement, la socio-économie canadienne passait de l'impérium britannique sous contrôle américain. La semaine prochaine, nous examinerons les rapports nouveaux de l'économie canadienne avec les États-Unis au début du 20e siècle. Les personnes qui désirent se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3 à 8. Recherche Wayne Smith, conseiller musical Martin Pagé, à la technique Charles Gervais, assistante à la production André Giguère, texte et entrevue Gilles Paquet qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrec. Thank you.